Chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui, dans une chambre fermée, sera crié du haut des toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant Dieu n'en oublie pas un seul, et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme aussi déclarera devant les anges de Dieu qu'il lui appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne le connaît pas. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez dire. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Mon ami lui répondit Jésus, « Qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur dit alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Pourtant je vous le dis, même Salomon avec toute sa richesse n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée pour être brûlée au four. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre foi est petite. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas, amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers les détruire. Car là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur. Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, en vérité, il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre dit alors, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé à ce travail. Je vous le déclare, en vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, Mon maître tarde à revenir. S'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et combien je suis dans l'angoisse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix au monde? Non, vous dis-je, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, « Il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, « Il va faire chaud. » Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si quelqu'un porte une accusation contre toi et que vous allez ensemble devant le tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te traîne devant le juge ne te livre à la police. Et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime.